sera bien qui ouïra le dernier. Ouïra bien qui ouïra le dernier. Ouïra bien qui ouïra le dernier. Ouïra bien qui ouïra le dernier. Ouïra bien qui ouïra le dernier. Bonsoir à tous, vous êtes sur Radio Panique, il est 19h05. C'est pour nous l'heure de commencer une nouvelle émission, la 16e, Où ira bien qui ouira le dernier, avec cette semaine un invité venu de Liège, Jean-Michel Dewez, alias Chantal Goré, bonsoir. Bonsoir. Et on va tout de suite t'écouter pour un premier court live. Tu es venu avec ton Commodore 64 et ton didgeridoo en direct pour Radio Panique, Chantal Goré. C'est Chantal Goré en live dans les studios de Radio Panique en ce dimanche 22 janvier. Je dois t'appeler Chantal ou Jean-Michel ? Jean-Mix. Jean-Mix, ok. Jean-Mix. Et pourquoi avoir choisi ce nom transgenre comme ça ? Alors le nom transgenre, c'était destiné à faire rigoler des potes qui cherchaient un nom de groupe. Ça faisait 2 heures, ils avaient sorti une cinquantaine de noms. Et pour un petit peu détendre l'atmosphère, ben, j'ai sorti un bon Chantal Goré, ça vous plairait pas. Et tout le monde a tellement rigolé pendant 10 minutes que moi je l'ai gardé pour mon premier concert. Et comme ça a bien marché, j'ai eu une autre date, puis une troisième date, et j'étais obligé de garder ce nom-là parce que j'étais connu sous le nom de Chantal Goré. Tu l'assumes toujours aujourd'hui ? Oui. Donc Jean-Mix, tu es venu avec ton clavier de Commodore 64. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut dire que c'est un... C'est un peu long. Qui est née dans le début des années 80. C'est aujourd'hui la plus vendue encore à ce jour dans le monde. C'est le modèle qui a été vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. Et toi, tu t'es intéressé aux possibilités de la machine dès sa sortie ? Oui, parce que j'avais 9 ans en 1983. Donc, j'ai dû attendre 3 ans que ça soit ma communion pour avoir mon premier Commodore. Mais j'allais déjà chez mon cousin en face en faire. Donc, j'ai commencé très très tôt. Et comment ça se passe ici ? Tu le boostes toi-même ? D'une part, j'utilise... une petite carte qui permet de lire plus rapidement sans les disquettes, sans les cassettes. C'est un système de carte SD qui permet de lire un jeu en une seconde, quoi. On croit rêver quand on a connu les chargements qui duraient 5 minutes. J'utilise des logiciels soit qui sont toujours... Il y a toujours une scène très active du côté de la programmation. Donc j'utilise des logiciels assez actuels, mais toujours suivant les possibilités de la machine, où je programme mes propres logiciels. Donc je suis programmeur, je programme mes propres synthétiseurs, mes applications pour jouer du pad, jouer du drum, lire des waves. Des jeux aussi, tu crées des jeux vidéo ? Je ne suis pas très jeu, mais j'en ai créé un pour la sortie de l'album sur Unrest. Ouais. C'était un petit kangourou qui... En fait, il y a un kangourou qui vous fonce dessus. Vous lancez des boomerangs dessus. Mmh. Et si vous ne parvenez pas à toucher le kangourou, il y a un petit match de boxe qui commence. Ça se joue au clavier. Voilà. Okay. Tu l'as partagé, ce jeu-là ? Tous les gens qui ont téléchargé mon album sur le site d'Unrest, ils l'ont. D'accord. Donc, petit jeu vidéo en 8 bits offert avec. Voilà. Kratos. Et on va mettre une petite musique en fond. Toujours sur le Commodore, tu sais qu'en 2011, il y a Commodore qui a relancé le C64 avec le même look vintage, comme ça. Ouais, j'ai vu. Et avec un intérieur beaucoup plus boosté, modernisé. Et cet effet de mode, la nostalgie du 8 bits, est-ce que ça a fait que plus de gens s'intéressent à ta musique ? Ouais, ça doit jouer un petit peu, je pense. C'est une scène quand même qui est très petite et très fermée. Mais je remarque qu'il y a même des gamins de 15 ans maintenant qui écoutent que de la musique de jeux vidéo des années 80, des trucs plus Nintendo, Sega, etc. Donc il y a quand même un certain revival. Et le Commodore, oui, et le didgeridoo aussi. Tu es venu avec aujourd'hui et en général, tu utilises les deux pour tes sets en solo ? Oui, à la base, je jouais d'abord du didgeridoo avant de faire du Commodore 64. Donc j'avais joué dans des groupes plus reggae, rock, enfin des différentes sortes de musique. Et à chaque fois, les groupes ils splittaient, donc moi j'aimais bien de jouer didgeridoo, de me produire. Et finalement, j'ai fait mon petit projet solo. J'ai commencé un peu par hasard avec le Commodore, parce que j'avais vu un concert en Suède que j'aimais vraiment bien. J'aimais bien l'ambiance qu'il y avait là-bas, la musique qui était super dynamique. Donc j'ai mixé les deux, ça me permet de pouvoir me produire au didgeridoo et de garder mon entraînement. Mais de plus en plus, je joue moins didgeridoo qu'avant, parce qu'avant je faisais des beats pour pouvoir jouer didgeridoo. Maintenant j'accompagne certains morceaux, mais j'en joue de moins en moins en fait. C'est un instrument un peu quand même assez particulier, qui a une longue histoire. C'est un des premiers instruments de l'humanité utilisés les aborigènes d'Australie. À la base, c'était fabriqué à partir d'un tronc d'eucalyptus, je sais pas, le tien. Oui, creusé par les termites. Oui, c'est ça. D'accord. Ouais. Et avec une technique donc, de respiration circulaire. Ouais. J'espère que c'est le cas pour le mien. Ouais. Et l'association, dont toi, tu en fais à peu près depuis 2002. Hein. Le didgeridoo, un petit peu avant, 2000 à peu près. Ouais. Et l'association avec le Commodore était a priori improbable. Oui, à mon avis, je dois être un peu le seul à faire ça. D'ailleurs, ils hallucinent quand je vais jouer dans des festivals où les gens jouent 8 bits. Ils jouent uniquement de l'ordinateur. Peut-être qu'il y en a un qui chante un petit peu de temps en temps. Moi, j'arrive avec mon didgeridoo, c'est quand même fort décalé. Ouais, même au niveau des mondes musicaux, auquel soit qu'un renvoi, entre une machine les années 80, didgeridoo. C'est un peu inattendu. L'important, c'est que ça sonne bien. Enfin, moi, j'ai vu que ça pouvait bien se mixer, que ça me plaisait. Je me suis pas posé plus de questions que ça. Et tu as cité tantôt Unrest. C'est un label qui rassemble des Wallons qui font de la musique électronique, hein, entre autres. Il a fêté ses 10 ans l'an passé. Toi, tu as quel lien avec eux? Et il y a Sin Consolation et Unrest, c'est le même... C'est le même label, en fait. Ouais. Je crois que Sin Consolation, c'est plus le label pour ce qui est des sorties. Unrest, c'est plus pour les soirées. Mm-hmm. Mais enfin, c'est quand même le même crew. C'est un peu une bande de copains que j'ai connus par l'intermédiaire de quelqu'un d'Hermout Lobby, dont je fais partie du crew. Et y a pas mal de groupes comme ça qui sont chez eux. C'est une espèce de famille, je veux dire, Unrest. C'est le côté sympathique du label. Toi, tu as sorti un album chez eux il y a quelques années, il y a 4-5 ans. C'est un album qui est téléchargeable sur le site internet d'Unrest, oui. Toujours encore, hein, unrest.be, unrest.be. L'album s'appelle Father's Milk. C'est ça. Ouais. Est-ce que ta musique a évolué depuis? Oui, beaucoup plus live, en fait. C'était très construit à l'époque. Je travaillais avec un tracker qui est un peu l'équivalent des Ableton qu'on a maintenant. Et de plus en plus, le problème quand on travaille avec un tracker, c'est que le track, il est joué pendant 3-4 minutes. Donc pour ne pas rester les bras croisés ou faire seulement tourner des boutons, j'ai joué didgeridoo. Et à présent, je me suis mis à construire mes propres synthés moi-même, programmés en assembler. Donc il y a un côté beaucoup plus live, et également au niveau des sons, vu que c'est moi qui traite le son dans l'assembleur, c'est un langage qui est très très rapide, ça permet d'avoir des sonorités qu'on ne sait pas forcément obtenir, même avec un PC qui est beaucoup plus récent et beaucoup plus rapide. Toi, si tu fais partie des gens que ça gêne d'aller voir un concert avec quelqu'un qui touche juste des boutons J'aime pas trop de voir les gens qui font semblant. Je préfère qu'ils agissent vraiment ou qu'ils fassent rien et puis qu'ils dansent alors. Mais faire semblant, je trouve pas ça terrible. D'accord, on sait pas toujours, mais en fait, ils font semblant. Les trois quarts, ils font semblant. T'as cité rapidement Hermout Lobby. C'est aussi un groupe sorti chez Unrest, notamment dans le terreau et sur Verviers, Liège. On aime beaucoup chez Unrest à venir de Verviers. Ouais. Donc on peut citer des membres Kada Vreski, Back and Force. Kada Vreski, en fait, c'était l'ancien groupe dont Squall faisait partie. Ouais. Squall, c'est un des membres fondateurs d'Hermout Lobby. D'accord, ouais. Back and Force. Back and Force, qui est composé d'Az le Jazz et Steph le Swing, mm-hmm. qui est un groupe de jazz électronique. Et DJ Swiffer. Ouais. Et donc, Hermout Lobby, ça rassemble un peu tous ces projets-là, c'est ça? Voilà. En fait, il y a Hermout Lobby, le crew, qui donne des idées, qui partage des sons, qui participe aux albums. Ensuite, il y a la version live d'Hermout Lobby, qui pour l'instant est une formule à deux personnes avec DJ Swiffer et Squall de Cadavreski. D'accord, écoute, on va écouter un morceau de Hermout Lobby avec un CD que t'as amené. C'est un morceau... Là, en fait, il travaille en collaboration avec des rappeurs américains du groupe Shadow and Taz. Mm-hmm. Et le leader de Shadow and Taz, c'est Non, qui vient de Los Angeles. Ils ont fait un album ensemble avant de se rencontrer. D'accord, donc eux aussi travaillent, Hermout Lobby travaille aussi sur machine. Oui, mais. Toi, t'es Eux, ils travaillent plutôt la pointe de la technologie, ouais. les tout nouveaux PC, les bonnes cartes son, vraiment tout ce qui est de plus récent. Moi, je travaille avec tout ce qui est de plus pourri, je crois. Mais ça se complète bien, quoi. Je leur fournis des sons un peu originales, on travaille ensemble sur des façons de faire du live. Mm-hmm. Et ça donne un mix où chaque partie est gagnante, je veux dire. Ok, on écoute un morceau, Hermout Lobby. Le morceau s'appelle « Welcome the House ». Donc, a priori, le CD ne fonctionne pas. Donc, Hermout Lobby, on va vous inviter à aller écouter vous-même, à moins que tu en aies là, je ne sais pas. Non, non, j'ai un morceau d'Hermout Lobby, peut-être. Ouais, c'est une minute. Donc, on va aller le chercher. J'ai un remix que j'ai fait au Commodore. Ouais. Et sur ton Commodore, tu as le clavier à l'ancienne. Par contre, l'écran est tout récent, comme ça. Je pourrais prendre une grosse télé, mais j'ai un peu mal au dos pour l'instant. Et c'est un peu dur à transporter, quoi. Habituellement, dans les lives, tu emmènes l'ancien écran, l'écran originel. Non, le plus souvent, je suis branché sur un projecteur. Parce que y a des visuels, en fait, avec ma musique. Que tu fais toi-même. Ouais. On en voit, ouais, ce que tu disais, hein, en allant télécharger sur le site d'Unrest, on peut voir les visuels. Et toi, tu t'intéresses aussi aux possibilités visuelles du Commodore 64. Tu es satisfait de ce que ça propose, hein? Moi, j'aime vraiment bien le pixel art, quoi. Je trouve que ça va à l'essentiel, quoi. Chaque chose est vraiment à sa place, quoi. Et du coup... Au pixel près, quoi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu proposes comme visuel? Il y a quoi? Kangourous. Ça, c'était le jeu. J'ai fait pas mal de choses différentes, notamment. Ah voilà, j'ai retrouvé le morceau d'Hermout. Celui-ci. Ah oui, toi, tu entends. Ok, on écoute Hermout Lobby et puis on revient. knee deep up in it, I stay the same. We can fight like Nick versus Crane in the darkest jungle. We can be best friends or fuck you. Love you or leave you bleeding. 21 grams lighter, I'm a fighter and the drums I'm beating. The sound I hear is hunting season. Red meat in the streets that comes from feeding. My demon legion, we are many. They all live in me, so please don't tempt me. Suited and booted, well executed. Those watered down rappers, they sound so deluded. My flavor's so dope, your hope is to shoot it. You feel like a champ, man, undisputed. The ill reputed, I am polluted. I'm lost in the underground, way down rooted. That'll give you fresh bruises. So dope that I abuse it. Physically, mentally, eventually consumes my identity. Coincidentally, I hit rock bottom as the man of the century. Modesty isn't me, my ego has driven me insane. To put it simply, I can't contain the pain of this urbane. Big city terrain gets so strange. Every single minute of every single day, in every way I'm in it, this world of diminished. Hopes that grope in the dark to the finish. Last days we get crazed, we walk lost, amazed. Crisscross the globe on stage and get paid for this glitch made. Kick back, get shade and flip like switchblade. Retour dans les studios. Bon, finalement, vous avez écouté plein de choses. Donc, il y avait Hermout Lobby remixé par Chantal Goré, puis un petit morceau improvisé, enfin balancé par Jean Mix, Chantal Goré. Et là, pour finir, on vient d'entendre le projet dont on parlait au début, c'était Hermout Lobby avec le rappeur Non. Et c'était le morceau Breathed Bonus. Donc avec Hermout Lobby, toi tu fais quoi en fait exactement? Tu es avec ton Commodore? Je fais le Commodore, voilà. Ouais. Bah je fais pas les lives avec eux en fait dans la production. J'interviens un peu pour donner des nouveaux sons, et, des avis aussi sur ce qui est de la musique. Et bah, cette année, on fait souvent des concerts ensemble. On est souvent invités aux mêmes soirées. Et là, on est parti en tournée ensemble. Quoi. Ouais, en tournée en Europe de l'Est. Voilà, voilà. On est parti à trois dans ma voiture. On est allé à Budapest. Après, on est remonté tout dans le nord jusqu'en Estonie. Vous avez été invité par... vous êtes parti de vous-même ou vous avez des invitations? Non, on était invité à des festivals, divers festivals, quoi, des petits, des gros, des moyens. On est tombé sur un super chouette festival organisé par des Belges qui viennent de Gand. Ça s'appelle l'Ostéorie Festival. Et ça avait lieu mi-août, en fait, en Croatie. Un superbe pays, 38 degrés. Ouais, vous avez fait la côte? Vraiment, vraiment bien. Ouais, ouais, en partant, on a fait toute la côte, ouais. D'accord. Ça aurait été dommage de s'en priver, quoi. On est passé aussi Gate Festival, aussi. Ouais. Il y a des coins où il y a plus d'intérêt pour la 8-bit et ce type de musique. Toi, t'as pas mal été en Suède. Oui, c'est là que j'ai découvert ça. La scène est quand même vachement bien dense, là-bas. Tout ce qui est le nord de l'Europe, en fait. En Hollande, j'ai vu qu'il y avait pas mal de musiciens. En Allemagne aussi, ça se développe un peu en Angleterre, aux États-Unis il y en a pas mal, mais c'est vraiment dans le nord de l'Europe qu'on en trouve le plus. Très bien, on va parler d'un autre projet auquel tu as participé. Il s'agissait de la BO d'un film. Oui, c'est un court-métrage qui était fait par la Maison des Jeunes de Namur. Le gars qui s'occupait de ça, qui m'a introduit dans le projet, c'est François Leclerc. Et le film était réalisé par Iragaël Gauthier. Ça raconte l'histoire d'un aveugle et d'un alcoolique qui se rencontrent. Et là, se passe quelque chose. Mmh. Et en quoi c'était pertinent d'avoir une musique 8 bits comme ça derrière ? En fait, ma scène, c'est au moment où il y a un gros crash en voiture, il y a du sang, c'est vraiment très très gore. Ils voulaient quelque chose de très lourd, comme ma musique est assez lourde. Ils m'ont dit que ça conviendrait bien, et donc je me suis lancé dans ce morceau, mais qui n'est pas fait au Commodore en fait. C'est innovation, je suis passé un petit peu au PC. Ouais. Et en fait, j'ai fait tout le son du film finalement, mixer les voix, les bruitages, etc. Une expérience peut-être à renouveler. Oui, moi j'aimais assez bien, plutôt que d'être tout seul pour réaliser de la musique. Là, j'étais avec le film. C'était intéressant d'avoir une ligne directrice. On va écouter la musique que tu as réalisée pour le film, c'est ce qu'on entend derrière. Ok. Thank you. générative. Ah, c'est à nous. C'est, on parlait de musique générative. Ouais. C'est la musique qu'on va entendre pendant qu'on discute. Ouais, là, ça tourne pendant des heures. En fait, c'est un programme que j'ai réalisé il y a quelques années pour une expo de peinture. Ouais. Et ça génère la musique automatiquement. Donc, on peut le laisser tourner pendant 3 jours. Ça ne s'arrêtera pas. C'est toujours différent. Ah oui, d'où, mais ça c'est pas mal pour le DJ qui fait semblant derrière. Ouais, mais après il faut écouter parce que c'est pas très dansant en fait. Oui, ouais, c'est sûr. Donc on parlait aussi des visuels que tu crées pour les oui. Tes lives notamment. Oui, en fait je joue en tapant sur le clavier, ouais. Mes sons, mais dans l'ordinateur, et en même temps je peux envoyer des données à l'écran et pouvoir afficher un petit peu à peu près tout ce qu'on veut, quoi. Que ce soit des textes, ce qui me plaît bien moi c'est le côté un peu brut du pixel. Mm-hmm. Je travaille avec un sculpteur qui s'appelle Simon Soma, que je salue, qui est vraiment très doué et qui fait des sculptures en glace, non? Il utilise un matériel transparent. Lui utilise il utilise le plexiglas en fait. D'accord. Il travaille avec du plexiglas fondu. Il travaille avec des matériaux conventionnels. Pour moi, il a travaillé avec du carton pour me faire des vaisseaux spatiaux et en plastiline, qui est un genre de plasticine professionnelle, pour me faire des monstres. Et c'est pour une scéno. En fait, c'est un projet de court-métrage. J'avais joué au Planétarium il y a quelques années à Bruxelles. Et plutôt que de faire un truc sur les planètes, genre Pink Floyd, jazz, évasif, j'avais imaginé une scène de Star Wars, quoi. Juste le son, en fait, avec les vaisseaux qui passent, etc. Et comme le résultat était assez bien, j'avais imaginé mettre les images sur le son. Et c'est ce qu'on est en train de faire pour l'instant. Donc on prend une photo du beau vaisseau qu'il m'a fait. On le passe dans le Commodore 64. Donc là, ça devient du très peu de pixels. Et après, je le repasse dans le PC pour pouvoir l'animer. Donc on a un résultat un petit peu hybride entre le dessin animé, l'image de synthèse. Moi, je trouve ça assez joli. Donc d'ici quelques minutes, Jean-Mix, Chantal Goré, on va t'entendre en live pour un bon quart d'heure, hein, pour notre émission Où ira bien, qui où ira le dernier. Simplement, une question, ce 8 bits, le Commodore et le visuel dont on vient de parler, c'est aussi des choses qui sont explorées dans l'art contemporain. Toi-même, tu as participé à des présentations, notamment à l'IMAL en 2010. À Bruxelles. Oui, là, c'était une exposition. C'était pas uniquement 8 bits, c'était plutôt sur les vieilles technologies qu'on utilise. Maintenant, j'ai par exemple vu un truc génial. C'est une petite boîte qu'on vendait dans les années 50. On raccordait la petite boîte à sa platine vinyle. De l'autre côté, on raccordait ça à sa télé. On achetait les vinyles de la marque de la petite boîte. Et on se retrouvait avec un vinyle vidéo, quoi. Je trouvais ça vraiment trop bien pour avoir dans le salon. Bon, l'image était un peu pourrie, en noir et blanc et tout. Mais je trouvais ça trop bien, quoi. C'est une machine qui décryptait le... Qui transforme le signal audio, je veux dire. Qui en fait des données qui viennent de la vidéo sur une vieille télé. Ouais. Et tu t'intéresses un peu à ce que font les artistes? Je pense notamment à Corey Arcangel. Je ne sais pas si tu vois, en fait c'est un artiste contemporain qui a repris les vidéos de Mario Bros et ensuite qui en a fait des paysages, donc dans les musées, qui a introduit cette culture du 8-bit dans le musée. Ah oui, j'ai déjà vu pas mal de trucs comme ça, des installations. Moi je kiffe tout ce qui est 8-bit, quoi. Ouais. Pourtant je ne suis pas très jeu vidéo, je suis informaticien, d'accord, mais... Je suis pas un fan de jeu, mais j'aime bien ce concept de la simplicité dans l'art. Et oui, mais justement, enfin toi, comment tu te retrouves un peu dans le milieu de l'art contemporain? Parce que finalement, dans ton travail, c'est beaucoup la démarche et le processus aussi qui... Ma démarche, c'est un petit peu de faire ce qu'on aurait pu faire il y a 25 ans, donc avec les mêmes instruments, sans dire, ouais, maintenant, on a la technologie pour... Non, ce que je fais, moi, ce que vous venez d'écouter, c'est un truc qu'on aurait pu faire il y a 25 ans. Maintenant, les tendances n'étaient pas les mêmes, sans doute qu'on entendait moins les basses dans les baffles de l'époque. Mais c'est un petit peu revenir en arrière pour peut-être aller plus loin en avant plus tard. Et c'est, du coup, oui, c'est des contraintes. Enfin, c'est travailler avec du vieux matériel. C'est dans ce sens-là aussi que je dis que la démarche est peut-être aussi intéressante, voire plus que ce qui est produit. Je ne sais pas si toi tu le vois comme ça. Côté matériel, le truc intéressant, c'est que ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher qu'un PC. Donc on n'est jamais frustré d'avoir un trop petit PC. On a un Commodore qui certes n'est pas très gros, mais qui va très très bien. Ensuite, il y a la qualité du son, quoi. Le Commodore étant vraiment une machine très, très électronique, très, très brute, on est vraiment, il y a vraiment peu d'intermédiaires électroniques entre la puce et la sortie du son. Donc on a des basses très verticales qui sonnent bien brutes. C'est ça aussi qui est intéressant là-dedans. Donc Jean-Mix, on va t'écouter maintenant dans les studios de Radio Panique. On va vous dire au revoir dès maintenant. On va finir avec un mix de Chantal Goré. Je voudrais remercier Coraline, Mathias et Emmanuel pour la préparation de cette émission que vous pouvez retrouver dans quelques jours sur notre blog ouirabien.blogspot.com. Merci à DJP, à la technique. Et on se retrouve d'ici 15 jours. Notre invitée sera Célia, une femme pour la première fois dans Ouira bien qui ouira le dernier. On vous laisse avec Chantal Goré en direct dans les studios de Radio Panique 105.4. Ok, ben au revoir tout le monde. Je vais quand même faire un petit bonjour à mon ami Pornophonique, THX, Kepkev, Mr. Vane. Bisous à tout le monde à Liège. Et ciao, ciao. Merci. Thank you. Thank you.